Le porte-parole du comité de mesure pour le problème des victimes coréennes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise et de la réquisition a publié le 15 août une communication qui dit « 72 ans ont passé depuis la capitulation de l'impérialisme japonais et la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a causé une catastrophe inouïe et la mort d'un grand nombre de personnes. À présent encore, sans oublier la guerre horrible et les souffrances, on les reproduit dans les œuvres artistiques et les enregistre pour persuader de la valeur de la paix et appeler à la concorde. Mais malheureusement, une situation opposée à cette tendance se fait constater au Japon, principal criminel qui a causé toutes les horreurs. Alors que le monde entier chérit le souvenir des victimes innocentes de la guerre, les hauts dignitaires et les politiciens japonais se rendent au temple Yasuguni, où est conservée la tablette funéraire des criminels de guerre qui les ont tués, et les manuels qui décrivent la guerre d'agression comme une guerre de la justice et la domination coloniale d'une autre nation comme une collaboration et une contribution pour le développement et la prospérité sont rédigés pour de nouvelles générations. Encore, pour dissimuler le crime de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise prouvé par les dossiers et dont l'illégalité est confirmée par le droit international, les Japonais disent du réexamen du discours de Gono, publié officiellement pour reconnaître le crime, et cherchent à juger une maison d'édition qui a traité des esclaves sexuels emmenés de force. Actuellement, les autorités japonaises mettent en cause les rapports des institutions internationales qui ont mis l'accent sur le problème de leur passé pour forcer ouvertement une révision et demandent obstinément d'évacuer la statue d'une fillette esclave sexuelle érigée sur le sol étranger. Le Conseil général japonais à Atlanta de l'État de Géorgie, États-Unis, a taxé scandaleusement les victimes de l'esclavage sexuel de prostituées. Si le Japon crie à une soi-disant menace dans notre République, s'acharne à la sanction contre elle, réprime les résidents coréens et leur association générale et inspire la haine extrême de la République populaire démocratique de Corée, c'est à partir de l'ambition sournoise de ne pas régler avec nous le problème du passé qu'il a évité pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, où notre République, puissance des armes nucléaires du Tse et puissance militaire d'ordre mondial, occupe une position stratégique de plus en plus importante, le Japon se trouve devant l'unique choix. Pour ne pas se repentir, les autorités japonaises sont tenues de renoncer à l'hostilité à l'égard de notre République et de procéder au règlement du problème du passé sans plus tarder. Présenter des excuses et compensations sincèrement pour les crimes commis contre notre pays et notre nation, et présenter des excuses sincères et prendre la responsabilité de tous les crimes commis contre les Asiatiques, y compris le crime de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise, c'est leur destinée et la nécessité. Les autorités japonaises ne doivent jamais oublier ce fait.